déconne. Les heures passent. Les heures passent, mais comme chaque jour, je me demande ce qui ne va pas dans cette vie où tout se paraît semble. Alors qu'on n'a pas trouvé l'amour idéal, j'ai tant espéré pour t'en donner pour être heureux. Mais à chaque fois, les choses tournent au cauchemar. Tu t'es pas réveillé, toi, avec la pression de t'être trompé violemment. Que la personne qui t'accompagne n'est pas la bonne. Alors comment t'imagines ta vie? Reprends-toi en main, ne lâche pas tes envies. Accroche-toi à la seule chose qui te fait vraiment plaisir. N'abandonne pas, résiste encore un peu. Une vie, c'est pas si long, c'est pas la tête à s'y mettre. Sous terre, qu'il faudra y penser. Maintenant j'appellerai, mais des larmes ont coulé, personne les a séchées. Mais l'on laisse se déchirer sans foi ni pitié. Mais c'est vrai que j'ai pleuré, mon cœur a saigné, la vengeance a sonné. Reprends-toi en main, ne lâche pas tes envies. Accroche-toi à la seule chose qui te plaît vraiment. N'abandonne pas, résiste encore un peu. Une vie, c'est pas si long, c'est pas la tête à s'y mettre sous terre. Qu'il faudra y penser, t'as toujours le choix de tout changer. Garde le courage qu'il te reste pour évoluer. Lassé de tout, lassé du monde n'est pas une raison pour ne rien faire. L'existence, la conscience te malmène. Mais rien ne doit te faire flancher, rien n'est impossible, il suffit juste de le vouloir. Accroche-toi ma belle, accroche-toi princesse. Tu peux croire à cette destinée qui t'a fait tant rêver. Maintenant j'appellerai, mais des larmes ont coulé, personne les a séchées. Mais l'on laisse se déchirer, sans foi ni pitié. Mais c'est vrai que j'ai pleuré, mon cœur a saigné, la vengeance a sonné. La vie c'est pas comme ça, regarde juste autour de toi. Peut-être que tout ce que tu as rêvé est juste à tes côtés. Les heures passent mais tu restes toujours la plus belle. Peut-être qu'il est là rien que pour toi. Peut-être que lui aussi n'attend plus que toi. Il au travers le vent, prends en main ta conscience. Il est encore temps de tout changer. Mais file ma belle car le temps presse. Elle rêve d'une autre vie perdue tout au fond de son ennui. Sa descente aux enfers est inacceptable. Toi qui écoutes ce son, pourquoi ne pas faire le pas? Ne la laisse pas périr, ne la laisse pas mourir. Il y a tant de choses encore à faire. Mais elle, elle se coupe les ailes. Elle est si faible et si fragile qu'elle en oublie la douceur de la vie. Ouvre les yeux sirène, moi je suis encore là pour toi. Plus un moment ne sera triste, plus un moment à sombrer dans l'oubli. Tu seras ma référence, mon existence. Je veux faire de toi un ange. Toutes ces journées seront des contes de fées. Pas besoin de simuler. Un ange à pleurer, mais des larmes ont coulé, personne les a séchées. Mais l'on laisse se déchirer. Sonner.